c'est comme appuyer sur le bouton de rafraîchissement du système d'exploitation de votre corps. Donc, si vous êtes curieux de connaître les tenants et les aboutissants de la guérison pranique, préparez-vous à vous lancer dans un voyage de guérison pas comme les autres. Guérir les maux physiques avec le prana. Vous avez un mal, une douleur ou une maladie embêtante qui ne veut tout simplement pas disparaître? La guérison pranique pourrait bien être la réponse que vous cherchiez. En canalisant le prana vers les zones de détresse, cette technique peut accélérer la guérison et soulager l'inconfort. Considérez-la comme votre propre trousse de premier secours énergétique, prête à intervenir en cas de besoin. Conclusion, le pouvoir transformateur du prana. En fin de compte, le prana est bien plus qu'une simple notion abstraite. C'est une force vitale tangible qui peut transformer nos vies de manière significative. En comprenant et en cultivant le prana, nous pouvons accéder à une source infinie d'énergie, de vitalité et de bien-être. Que ce soit par la respiration consciente, la méditation ou les pratiques physiques, le prana nous offre un chemin vers une existence plus épanouissante et harmonieuse. Embrassez cette énergie subtile et laissez-la guider votre voyage vers une vie plus équilibrée et énergisée. Page 27. Nous allons pouvoir écouter une méditation sur cette énergie subtile qu'est le prana. Page 27.